cours numéro 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah. ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص. 13 شابتر. ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله استحباب المؤاخاة أي المؤاخاة ça vient du mot أخوة أي la fraternité entre croyants. فاستحباب المؤاخاة أي c'est recommandé de fréquenter al-mu'minin as-salihin. فلهذا il a précisé أن هذه المؤاخاة elle est مع الخاص. Et c'est pas avec tout le monde. Et si on fait le lien avec le chapitre précédent, تذكرون في العزلة قال رحمه الله ذكر استحباب الاعتزال من الناس عام. Et en général, il faut s'écarter, il faut s'isoler, il faut préserver son din. Et في هذا الباب, et c'est la suite du précédent, et c'est un taqyid لهذه العزلة, أن المراد, ce n'est pas de s'isoler complètement, comme تقدم معنا, خاصة أن الخير موجود, il y a encore du bien, ولله الحمد, il y a encore des gens qui veulent du khair, il y a encore des croyants qui veulent apprendre leur dîn, qui veulent mettre en application. Enfin, ma'a ha'oula, al-wajib, c'est at-ta'awun, s'entraider. Et essayer d'avancer ensemble, tout ça, lillahi azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour élever la religion d'Allah subhanahu. Donc, le premier bab, c'était dhikr istihbab li'tizal, et le suivant, dhikr istihbab al-mu'akha lil-mar'i ma'al khas. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم إنما المؤمنون إخوة. Les croyants c'est des frères. Et هذه الأخوة لها أسباب, des causes pour préserver cette fraternité. كذلك هذه الأخوة الشرعية, أي s'aimer pour Allah عز وجل, ça va impliquer des choses. من تعاون والنصح والصبر. ابن حبان il a cité جملة طيبة من هذه الأمور. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه, آخى بين سلمان وأبي الدرداء, وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث إلى في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم quand ils ont fait الهجرة et ils ont délaissé مكة لله سبحانه وتعالى et parce qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à mettre en application leur dîn et كفار قريش ils causaient beaucoup de tort aux croyants. Bel, ils ont torturé certains comme ta'lamoun. Fafi hadha al-hal amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya wa al-mu'minin bil hijra. Et ils ont fait l'hijra avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Quand ils sont arrivés à Medina, al-muhajiroun, et ceux qui étaient à Mecca, quand ils sont arrivés à Medina et ils ont été accueillis par al-ansar, فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه. آخى ça vient du mot أخ frère. أي آخى بينهم مثلا entre سلمان وأبي الدرداء, entre عوف بن مالك et الصعب بن جثامة et d'autres. هذا لغرض عظيم, pour une cause bien précise. ذكرها الحافظ, نعم ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال إلى رابورتي عن السهيلي رحمه الله قوله آخى بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ليذهب عنهم وحشة الغربة. Et ça c'est un مقصد عظيم. لماذا؟ لأنهم quand ils ont quitté leur terre, أي المهاجرون quand ils ont quitté Mecca. فلا شك أن حصل لهم في البداية شيء من الغربة. Ils ont quitté leur terre natale et ils sont arrivés à Al-Madina avec un nouveau climat. كثير منهم ils sont tombés malades. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الدعاء et au départ c'était difficile. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهم. أي il a أخى ما أدري comment traduire fraterniser ou s'il y a un autre mot, Allahu a'lam. Al-Muhim adhan c'est compris. Enfin, entre Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Ma'annahum, c'était bien sûr des frères fi Al-Iman. Lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akha baynahum. Hatta kama sa yati, au départ, ils héritaient l'un de l'autre, comme si c'était des vrais frères. Et c'est ça, ma'anna akha. Et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a rendus frères, comme si c'était des frères de sang. Hatta, au départ, ils héritaient l'un de l'autre. Qala من مفارقة الأهل والعشرة ويشد بعضهم أزر بعض. Et c'était ça le but. Et le fait de les rendre comme des frères de sang, حتى ils s'entraident. حتى si un de هؤلاء il a besoin de quelque chose face à son frère, il lui vient en aide بإذن الله عز وجل. قال فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة. لكن après un certain temps, quand l'islam il s'est propagé et l'islam walillahi alhamd c'est devenu une dawla qawiyya, un état avec pour chef le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, fa fi hadha al hal qala abtala al mawarith wa ja'ala al mu'minin kulluhum ikhwa wa anzala Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd في كتاب الله. قال السهيلي يعني في الميراث. أي هذا الحكم نسخ. أي le fait que النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهم et c'était devenu comme des frères de sang حتى ils héritaient l'un de l'autre comme des vrais frères. فهذا الحكم نسخ. الله سبحانه وتعالى إلى أبروجي هذا. فلهذا قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أي les ceux qui ont un lien de parenté ils passent avant. C'est pour ça que depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, l'héritage c'est entre frères de sang, entre proches. Là, au bout d'un lien de parenté. Et là, ton frère fillah, qui n'est pas ton frère de sang, il n'y a pas d'héritage. قال ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. لكن هذه الأخوة, cette fraternité, fillah, cet amour entre frères, cette entraide. فباقي إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. أما لحكم الإخاء que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait entrer en arrivant في المدينة, فهذا par rapport à l'héritage نسخ, ça a été abrogé. هذه c'est une précision importante. وراجع كذلك كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله dans son تفسير, le تفسير des versets qu'on a cités, il a cité cette مسألة. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان. فلا تغفل عن هذا. C'est très très important. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité هذا في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم en arrivant في المدينة il a donné beaucoup d'importance à هذا. Enfin, une des premières choses qu'il a fait أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن الأخ avec الجماعة il est beaucoup plus fort. Il est préservé bi'idnillahi azza wa jal, même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements. Limadha li'annahu il est avec ce groupe. Khassatan si c'est un groupe ala ilm ou ala thabat, avec un bon comportement, fa ça va aider hadha al-mu'min. Fa la taghfal an hadha kama qala Ibn Hibban. On doit pas négliger hadha. Qala wa i'dad iyyahum lin-nawa'ib wal-hadathan. صحيح ان لا شك ان dans beaucoup de situations tu ne peux pas faire certaines choses seul. Dans certaines situations tu as besoin de nusra, tu as besoin d'être secouru par tes frères, tu as besoin de conseils. احيانا tu as besoin d'être recadré, احيانا tu as besoin d'être remis à ta place. هكذا البشر. اما tout seul ربما certains défauts tu ne les verras plus. tout seul, Robama, certaines décisions que tu vas prendre, elles contrediront le Coran ou le Sunna. فَلِهَذَا فِي الْكِتَابِ الْعَظِيمِ فِي الْقُرْآنِ beaucoup de versets sur l'ukhwa, sur la fraternité, sur le mushawara, le fait de se réunir pour prendre des décisions importantes. وَهَكَذَا التَّعَاوُنُ وَتَعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى l'entraide. Et هَكَذَا ils étaient as-sahaba radiyallahu anhum. لِمَاذَا لِأَنَّ notre communauté, c'est une communauté. Une communauté, c'est fait de plusieurs membres. قال رحمه الله لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم وكان عقله إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص وهذا لا شك فيه أن المؤمن s'isole alors que ولله الحمد il y a encore des gens à la خير فلا شك أنه il se privera de beaucoup de choses comme on a cité un conseil bénéfique أحيانا un de tes amis, une de tes fréquentations, un de tes proches, une kalima, une parole, il te dit et elle te rassure. Ahyanan, un conseil, bi'idnillahi azza wa jal, ça t'ouvre énormément de portes. Enfin, on a compris, walillahi alhamd, khasatan avec le chapitre précédent, anna fi hadha al-bab la ifrat wa la tafrit. Ne pas fréquenter tout le monde, parler à tout le monde. Hada, ça fait du mal, khasatan, à notre époque. Ou hakada, ne pas s'isoler et tomber dans l'exagération et penser que tout le monde est égaré, tout le monde est mauvais. Pardonne-nous, ayyadun billah, ils ont cette maladie, la paranoïa, ils pensent que tout le monde est mauvais, tout le monde veut du mal. Là, alhamdulillah, le khayr hasil, lakin, il faut filtrer. Et ce chapitre, que l'imam al-Hibban, rahimahullah, il va nous aider à hada, savoir c'est qui le compagnon profitable, bénéfique. Savoir qui il faut éviter. Qala rahimahullah. وَلَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَصْبَهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدِ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلٌ أَبُو عَمْرٍ قَالَ مُحَمَّدِ بْنُ وَاسِعٍ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا ثَلَاثٌ أي رحمة الله عليه محمد بن واسع إمام من الأئمة إلى سيدناه لم يبقَ من العيش إلا ثلاث أي dans ce bas monde il reste trois choses profitables et là chacunna d'autres choses sont profitables. Lakin, il a cité ces trois. Pourquoi? Parce que, vu leur importance et leur profit pour le mu'min. Donc, ces trois choses profitables, قال, As-salatu fil jama'a, turzaqu fadlaha, wa tukfa sahwaha. La première chose, As-salatu fil jama'a, c'est une obligation à la sahih pour les hommes. Bien sûr, pour ceux qui ont la capacité de se rendre fil masjid. Fa, fi hadha al-hal, هذه الصلاة في الجماعة تبقى جدا أولا ترزق فضلها أي une énorme récompense في صلاة الجماعة la صلاة elle-même elle est supérieure à صلاة الفذ كما في الحديث 25 dans une autre رواية 27 elle dépasse la صلاة de celui qui l'a fait seul de 25 ou 27 degrés وهكذا في المشي في الذهاب كذلك chaque pas que tu feras en sortant de chez toi pour aller au masjid chaque pas ça t'élèvera en degré et ça te effacera un péché. Fadlun azim. Fa le mu'min, al-aqil, il ne doit pas se priver de hada. Khasatan ma'a annaha wajiban. Celui qui l'a délaissé, qui n'a pas d'excuse, il est athim. Qala wa tukfa sahwaha. Ça c'est min fada'il al-jama'a kadhalik. As-sahou c'est les oublis. Sahih anna wa hada c'est mujarrab. Anna quand tu fais salat tout seul, c'est pas comme en groupe. Niveau concentration. Niveau lecture, khasatan celui qui ne connaît pas beaucoup de Coran et tout seul, Obama, il va réciter peu de Coran ou toujours les mêmes sourds avec l'imam. C'est différent. Wahagada dans la concentration, wahagada fi as-sahou. Ahyanan tout seul, ça arrive, as-sahou, c'est les oublis. Tout seul, ça arrive qu'on oublie plus que quand on fait salat avec le jama'a. Qala wa kafafun min ma'ashin laysa li ahadin min al-nas alayka fihi minna. وَلَا لِلَّا عَلَيْكَ فِيهِ تَبِعَ La deuxième ni'ma, c'est كَفَافٌ et c'est un risque suffisant, une rentrée d'argent, مثلاً, suffisante, مِنْ مَعَاشْ لَيْسَ لِأَحَدْ مِنَ النَّاسَ عَلَيْكَ فِيهِ مِنَّ Et personne, أي من الناس, qui te donne هذا risque. بل c'est toi, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, qui fait des efforts. أي en d'autres mots, un risque sans tendre la main. لماذا لأن تندر لا main ça va impliquer une chose قال عليك فيه منه. Mais si quelqu'un te donne alors que toi en échange tu ne fais pas un travail, tu ne fais pas un effort, il te donne هكذا, فإلا aura une minna عليك. ربما يوم من الأيام il te le rappelle. C'est moi qui t'a aidé. Si tu es en désaccord avec lui, c'est moi qui t'a donné telle chose. Wadness, ils donnent et ils attendent un faux pas pour rappeler Al-Minna et Al-Ta'awun qu'ils ont fait. Fallait pour être préservé de Hada, Al-Insan, il doit faire les efforts. Il doit faire des efforts pour subvenir à ses besoins. Bi idnillahi azza wa jal. Qala wa la lillahi alayka fihi tabi'a. Deuxième chose concernant risque, كذلك risque halal. لماذا لأن بعض الناس يسعون في الرزق بل بعض الناس c'est devenu leur principal objectif حتى ils ont oublié une partie de leur din et هذا السعي في الحرام. Ils font des efforts et ils ne demandent pas aux autres لكن des efforts dans le haram et leur argent elle est haram et هؤلاء لا شك أنهم ils auront des comptes يوم القيامة كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Chacun de nous يوم القيامة il sera interrogé sur quatre choses et parmi ces causes عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Et عن ماله cet argent d'où est-ce que tu l'as eu, est-ce que c'est من حلال أو من حرام وهكذا qu'est-ce que tu as fait, comment tu as dépensé cet argent, est-ce que c'est في الحلال وفي الحرام. فاحذر أن المال c'est une نعمة. L'argent, c'est une ni'ma. Lakin, si c'est fi halal, et kadalik, hadha halal, ihdar, de ne pas te faire rabaisser, humilier en tendant la main, alors que tu as la capacité de rechercher hadha risq. Illa halal, bien sûr, c'est pour ça qu'on a pris des capacités. Illa halal, al-daroura haja masana al-insani, il n'a plus le choix. Et hadha shi'un akhar. Et on a déjà traité ce sujet kathiran, wa la'allahu, ça ya'ti, incha'Allah. Qala, troisième point, ou akhun, et c'est ça le shahid. C'est pour ça que Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité ce athar huna. Qala wa akhun yuhsinu al-ishra, wa in zighta qawwamak. Troisième ni'ma dans ce bas monde, après salat al-jama'a, après al-rizq al-halal, akhun, un frère, yuhsinu al-ishra, avec un bon comportement. Ça devient ton ami. Tu le fréquentes et min thamarat hadhihi as-suhba, parmi les fruits de cette amitié, in zirta qawwamak. Si tu flanches, si tu glisses, si tu faiblis, il fait tout pour te redresser. C'est ça le but min al-ukhuwa. Notre ukhuwa, ça doit être basé villah et c'est pour avancer dans notre din. C'est pas une ukhuwa, une amitié que pour profiter. Que pour avoir des choses de dunya. Quand on n'a plus besoin, khalas, cet ami, on le jette. Na'oudou billah. Fa akhun yuhsinu al-ishra, avec un bon comportement, in zighta min az-zayr. Qala azza wa jalla falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Az-zayr, c'est le fait de dévier et de s'égarer. Qawwamak. Fa hadha al-akh ibhath 'anhu. Ce frère fait tout pour le prendre comme ami. Hadha al-akh كذلك si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, fa hafiz alayhi, c'est une ni'ma azima, c'est un bienfait, préserve cette ni'ma. Ihdhar de ne pas être injuste envers lui, ihdhar de ne pas le jalouser, de ne pas l'envier, ihdhar de ne pas le perdre. Fa fait tout pour préserver cette ni'ma, c'est une ni'ma azima. Encore plus à notre époque, fi zaman al-ghurba. Encore plus dans certains endroits, khassatan fi bilad al-kufr. لماذا لأن في بلاد الكفر أكثر الناس c'est des kafra, c'est des ennemis de l'islam, ils détestent l'islam. فإن وفقك الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الأخ فحافظ عليه. حافظ عليه, c'est une ni'ma. قال رحمه الله. La page suivante. الواجب على العاقل أن لا يعد في الأدواء إخاء من لم يواسيه في الضراء ولم يشاركه في السراء. Et ça c'est important. Anna hadha al-akh que tu vas fréquenter, tu veux t'entraider ma'a, que ce soit l'ilm, que ce soit شيء من أمور الدنيا. Fais attention qu'il ne fait pas partie de هؤلاء que l'imam ibn Hibban il a cité. من لم يواسيه في الضرة ولم يشاركه في السرة. Quand il est en difficulté, cette amie, cette fréquentation, elle n'est jamais disponible. Et quand il est touché par un bienfait, par un khair, كذلك, لم يشاركه, il n'est pas là avec lui. Ça montre quoi? Ça montre que Al-Ba'ad, il fréquente par rapport à Al-Masalih, par rapport à leur profit à eux. Et ça, ce n'est pas une ukhuwa qui sera profitable. Amma al-ukhuwa billah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait un profit amla. Falihada ba'd an-nas matalan, tu les trouves quand tout va bien, s'ils ne jalousent pas. Thumma, quand tu es éprouvé par une maladie ou autre, faroubama yatrukunak, ils iront chercher ailleurs. Iyadam billah. Qala rahimahullah, ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. Et ça, c'est un kalam jamil. ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. Il se peut que cet ami, ce frère fillah, il est plus profitable. Il est meilleur que ton propre frère de sang. لأن ماذا؟ C'est important هنا أن النفع والخير والبركة, le bien, c'est par rapport au din, c'est par rapport au ilm, c'est par rapport à la mise en application. فربما أخ, un frère, un ami qui met en application son din, qui fait des efforts dans l'ilm, tu sentiras de sa part plus de bien que ton propre frère de sang. صحيح, لأن certains ils ont des frères de sang, مثلا c'est des كفارة. D'autres, ils ont des frères de sang, c'est des innovateurs, ou ils font beaucoup de péchés, des foussaqs, ou ils ont un mauvais comportement. Varubama, ton frère de sang, yu'dhik. Et robama, akhun, villahi azza wa jal, va yahsul minhu khayrun azim. Qala, wa min atam hifad al-ukhuwa, tafakud al-rajul umur man yawadduhu wal-wud al-sahih, huwa alladhi la yumil ila naf'in, wa la yufsiduhu man'un. Ça, c'est dhabit al-ukhuwa al-nafi'a. Ça, c'est pour reconnaître quand est-ce que cette amitié, elle sera profitable. Al-wud, c'est le mahabba. C'est cet amour qu'il y a entre toi et ton frère. Fal-wud al-sahih, cette mahabba qui sera profitable. Huwa alladhi la yumil ila naf'a. Qala wa la yufsiduhu man'a. Ay, la yumil ila naf'a. Aïe, ce lien que tu as entre toi, entre lui et toi, ce n'est pas que pour un neuf, ce n'est pas que pour tenir. Là, il t'aime, pourquoi? Parce que tu es son frère fille. Tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent. Tu as une voiture, tu n'as pas de voiture. Tu es en bonne santé, tu es malade, il t'aime fille. Ce frère, tu le trouveras ma'ak. Et où il te trouvera avec toi? Qal wa la yufsiduhu man'a. Wa la yufsiduhu man'a. Kadhalik, annahu idha hassala man'a. Al man'a. C'est le fait de ne pas donner. Ça peut arriver, un jour, مثلاً, il te demande quelque chose, et pour une raison quelconque, tu refuses, en aucun cas, ça va faire que, خلاص, il te délaissera. Là, لماذا لأنه il t'aime pour Allah, il t'aime pas pour cette chose. مثلاً, il peut te demander de lui prêter telle chose, et أنت, tu ne peux pas, une raison quelconque, Mohim, tu ne lui prêtes pas. Vu que ce lien qu'ils ont entre eux, c'est par rapport comment salih de dunya. Enfin, s'il sent qu'il ne peut pas avoir cette chose, il coupe les liens. Là, il faut qu'ils se remettent en question. On doit tous se remettre en question. Est-ce qu'on s'aime, fillahi azza wa jal, ou que pour dunya? Si c'est que pour dunya, ça durera pas. L'imad ali, la dunya ne durera pas. Un jour tu es en bonne santé, demain tu es malade. مثلاً بعضهم, ils se fréquentent, ils se respectent et ils s'aiment que pour le sport. Que pour le sport. Enfin, si tu as un bon niveau, il te fréquentera. Le jour où tu tombes malade, où tu as une baisse de forme, ou le mohim shay, Obama, il cherchera un autre sportif comme lui. Ah, c'est quoi? C'est une ukhuwa fondée sur le sport. بعضهم c'est le même. Ils te fréquentent, pourquoi? Parce que tu as une entreprise, tu as de l'argent, etc. Le jour où ton affaire, elle tombe, فست أمي كذلك يطنب. فالأخوة النافعة سيبارابور المحبة في الله. قال رحمه الله: والمودة أمن، كما أن البغض خوف، والعاقل لا يواخي إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الدواء. ça ressemble à قول محمد بن واسع: وأخ يحسن العشرة إن زغت قومك. فهنا إلى السيتة نطخ ضابط قال: والعاقل لا يواخي إلا من خالفه على الهوى. لأن on a cité l'exemple du sport, وبعضهم c'est des amis par rapport à الهوى. Ils ont la même passion. أما الصديق الأخ في الله que tu dois rechercher, أن son but ce n'est pas de عياذا بالله de suivre الهوى. بل ربما خالفك. C'est pour ça que si tu en manques, مثلا on peut prendre l'exemple de صلاة الجماعة. مثلا واحد الى مونك ينفا با صلاة الجماعة pour à cause d'un sport, à cause de quelque chose. هذا الاخ يخالفه. قال العاقل لا يواخي الا من خالفه. يخالفه. Il lui dit: يا اخي اتق الله. انا je veux ton bien. J'espère ton bien. Et le fait que tu ne viennes pas, tu n'assistes pas à صلاة الجماعة, هذا c'est pas bon. ربما هذه النصيحة تنفعك, tu te remets en question, الحمد لله. فهذا الأخ هو الذي ينفع بإذن الله. قال: وأعانه على الدواء. كذلك il va l'aider. الدواء c'est le remède. الدواء c'est le remède. فربما هذا الأخ بطلي بشيء من الحرام. Peut-être que ce frère il est éprouvé par quelque chose de haram et son frère il l'aide. Son frère il est pas là pour le ridiculiser, pour l'achever, pour le finir, pour s'entraider avec le shaitan contre son frère. Abadan. هذا الأخ يعينه. Il l'aide. Il l'aide avec une nasiha. Il l'aide avec une bonne parole. ربما le fait de rester avec lui, c'est un علاج, c'est un remède. قال ووافق سره علانيته. كذلك. Ça, c'est une sifa طيبة في هذا الأخ, sur ce frère que tu dois fréquenter. ووافق سره علانيته. أي. Il s'écarte du nifaq, de l'hypocrisie. Enfin, ce qu'il fait apparaître, c'est ce qu'il pense. Et ça, c'est très très important fil ukhuwa. Iyyaka al-mudahana. Ahyanan, ton ami, tu as besoin de saraha ma'a. Tu as besoin d'être clair. Il a des manquements, lakin bien sûr, comme on a déjà vu dans les chapitres précédents, il y a des façons de dire. Lakin, il y a des choses, il faut être clair. C'est une erreur. Cette chose, elle te fait du mal. Ce travail, il n'est pas bon pour toi. Maintenant, il veut se marier. Cette sœur, fille, tu le conseilles, elle n'est pas faite pour toi. Essayez de dire que ce que ce frère veut entendre. Bardelnas, ils sont hakada. Ils ont peur de s'opposer. Ils veulent toujours aller dans le sens des autres. Ah, là, ils se font beaucoup de mal. Ils font du mal aux autres. Là. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, l'imam, Cheikh al-Islam, Abu al-Abbas rahimahullah, il a cité un exemple jamil fil ukhuwa. An al-akh ma'a akhihi kal yadayn. Ay, le frère avec son autre frère, ay deux frères, deux amis, c'est comme deux mains. Ahyanan une de ces deux mains se salit. Elle se salit avec une chose. Et قال شيخ الإسلام أن l'autre main elle va faire un effort pour nettoyer نعم l'autre main. Et là chaque en nettoyant ربما il faudra frotter, et peut-être qu'à force de frotter ça va faire légèrement mal à cette main. هكذا الأخ مع أخي. أحيانا il faut frotter, أحيانا il faut de la مصارحة. Et نحن نكونسي دائما الإخوان بالرفق, la douceur tant qu'on peut. Et كذلك ننصح الأخ qui se fait conseiller, même si ton frère il te conseille avec شيء من القوة, أحيانا avec de la fermeté. لماذا لأنه يتم في الله. On doit pas laisser الشيطان rentrer et nous faire croire là il m'a dit ça, c'est qu'il m'aime pas, il veut pas mon bien. Abadan, celui qui te conseille c'est celui qui veut ton bien. Si tu as dans le jama'a, dans un groupe dans lequel tu vis, un frère qui te conseille خاصة si c'est بعلم, C'est ce frère que tu dois fréquenter. لماذا لأنه s'il te conseille, c'est qu'il veut ton bien. قال رحمه الله قال لأن خير الإخوان من لم يناقش. Ça c'est un autre وصف. Vous avez remarqué que l'imam al-Hibban, rahimahullah, il a cité hadith al-Masala dans beaucoup de chapitres. Al-Niqash, c'est al-Miras, c'est le Jidal, c'est la polémique. Enfin, خير الإخوان, c'est celui qui s'écarte de la polémique avec son frère. Amma, deux amis, deux frères qui polémiquent. كذلك, on peut ajouter un des chapitres qu'on a étudié il y a quelques jours, la le fait de plaisanter du matin au soir, polémiquer du matin au soir, hada, ça fera du mal. La bud, le shaitan, il utilisera hada. Voilà, al-niqash al-ilmi, ahyanan, on a besoin. Matalan, un sujet, on n'est pas d'accord, et yahsul akhd wa radd, anta, tu dis ton avis, yana, je dis mon avis, tu cites tes preuves, je cite mes preuves, on regarde ce que ahl al-ilm, ils disent. Si c'est fait bi-ilm, et chacun il veut le bien pour l'autre, il n'y a aucun problème. Léana, à la fin, on sortira avec une natija azim. À la fin, on sortira, Emma, tu réussiras à me convaincre. Emma, je réussirai à te convaincre. Bien sûr, tout ça, bi-ilm. Emma, tu resteras sur ton avis, je resterai sur mon avis. Lakin, alhamdulillah, chacun il est convaincu que son avis il est fondé sur telle preuve, etc. Bien sûr, cela c'est dans les sujet ou que l'ulama ikhtalaf ou al-khilaf sa'ir. Il peut y avoir divergence et il y a divergence. Mathalan de masa'il de fiqh. Wa illa fa des sujets, il n'y a pas de divergence wa lillahi alhamd. Qala kama anna khayr athana ma kana ala afwah al-akhyar. Et athana, c'est le fait de complimenter. Le fait de complimenter kadhalik, ça dépendra de hadha as-sadiq, hadha al-akh. Ba'd an-nas, ils ont le compliment très très facile. Bel Bardoum, ils exagèrent. Ils complimentent très très vite. Et quand ils disent Tanoun, ils accusent très très vite. Et Inda al Bard aujourd'hui, tu es un talib ilm ala khair, tu es kada kada. Une chose, il entend une chose et tu deviens un innovateur, un égaré, un kada. Wa hakada ma'al akh, ma'a akhi. Au Bardoum, ils ont le compliment très très facile. Tu es kada, ils le compliment. Thumma, du jour au lendemain, là, tu es jaloux, tu as voulu me faire du mal. Là, al-adl. والوسطيه سي مطلوب في هذا on ne se laisse pas aller في الثناء dans les compliments on pèse nos mots et كذلك اذا حصل من الاخ شيء فكما تقدم المقاومه بالتي هي احسن ان زغت قومك قال رحمه الله on essaie de résumer il y en a cette allure le chapitre il est assez long enfin, on fait le maximum. Ou alors si on n'arrive pas à faire un chapitre par cours, l'amr sahl. L'essentiel, c'est de comprendre le livre. C'est vrai que des fois, quand le livre il est assez long, on a tendance à vouloir terminer. Ça, c'est tayyib. Les nations se laissent aller dans l'explication, dans trop d'exemples. On mettra beaucoup de temps. Et ce n'est pas ça l'objectif. Il y en a le temps, il est précieux et... Wallahi alhamd, on a l'intention de faire d'autres livres, etc. Lakin, ahyanan al-kalam, il est muhim. Surtout ce genre de livre, vu qu'on le résume. Enfin, on cite certaines choses et ahyanan, on ne cite pas. Lakin, ce genre de chapitre très important, même si on s'attarde un peu, enfin, alhamdulillah, l'essentiel, c'est de profiter. Thumma, il a rapporté an Ayyub al-Sirtiyani, rahimahullah, al-imam min a'immati al-salaf, رحمة الله عليه أنه قال يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم. Ça nous montre l'importance que هؤلاء الأئمة يدني الأخوة. Et si nous on arrive à comprendre هذا avec الأدلة qu'on a cité auparavant, إنما المؤمنون إخوة, on aurait pu citer des hadith, لكن le temps, et on a traité ce sujet تذكرون il y a quelques mois, la fraternité en islam, on avait fait une kalima sur hada walillahi alhamd, et on avait cité beaucoup de preuves. Parce que si on a compris hada, et encore plus avec la parole des salaf, enfin, on donnera de l'importance à hadihi al-ukhuwa. Et on fera tout pour la préserver. Ne pas gâcher une amitié de, rubama, des années pour quelque chose de tafeh. Ne pas gâcher une amitié de des années pour quelque chose qu'on peut résoudre. هذا الإمام قال يزيدنا حرصا على الحج. أي ce qui le motivait en plus pour faire le hajj. Là, chacun a la motivation première pour le hajj, c'est une ibada. C'est lillah, on doit le faire sincèrement, etc. Lakin, qala yazidun hirsun ala al-hajj. Et liqa'u ikhwanil li. Le fait de rencontrer des frères que je ne peux rencontrer que fi durant le hajj. Qala azza wa jalla li yashhadu manafi'a lahum. فالحج سي لوبجيكتيف ادوري الله سبحانه وتعالى سي اون عباده عظيمه et كذلك في الحج يا دي منافع كثيره parmi ces منافع c'est de d'étudier la science on doit pas négliger هذا ف cette semaine que tu vas rester c'est le minimum pour faire le حج او ces deux semaines او ce mois فحرص على هذه المنافع اي profites-en ربما في الحج والله tu peux terminer une رساله avec un savant. Une risala résumée. Wahakada, si tu as des questions, wahakada, le fait d'assister à indal alim, tu vas voir symptôme. Wa akhlaqo, comment il parle, comment il enseigne, et tu vas profiter de jital. Et kadalik, le fait d'assister, tu es récompensé. Min al manafi' kadalik, c'est d'acheter des livres, bien sûr. Et ce point, et notre livre, liqa al ikhwan, rencontrer tes frères, villa. عز وجل قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة الأخوة la fraternité entre frères ce n'est pas que se réunir pour manger كما قال ابن حبان رحمه الله البغال والحمير les ânes Les chevaux, les mulets, ils se rassemblent pour manger. Tu trouves des troupeaux, ils sont rassemblés et ils mangent. C'est pas ça l'objectif. Wallahi, si hadi al-ukhuwa, elle n'est pas fondée sur at-taqwa, sur la crainte d'Allah Azzawajal, sur le respect, l'ihtiram. Et encore plus si elle est fondée sur l'ilm, il y aura des énormes profits. Même si on ne peut pas toujours manger ensemble, même si on ne se voit pas toujours. Amma, Jama'a qui se rassemble que pour manger, que pour boire, la moindre chose, la moindre choubha, la moindre ambiguïté. Et Shaitan, il peut, idnillahi azza wa jal, chattat cette jama'a. Et il a divisé. Ben, ça peut devenir des ennemis les uns des autres avec la moindre divergence, avec la moindre parole, ou bien avec un mensonge. فلهذا لابد من الحرص نحن نسيد دي فخير في الله عز وجل أما كما قال الشيخ رحمه الله vous avez remarqué que même الكفار أعداء الله أنهم يكونسوا هما الأخوة في الله l'amitié en Allah سبحانه وتعالى c'est des كفارة c'est des mécréants et tu les trouves أنهم يجتمعون كثيرا ils ont des sorties ensemble des soirées ensemble ils mangent إلى آخره فنحن ça ne doit pas se limiter à cela ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire cela أبدا بل انفيتي تون فرير سو من الاكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه فprendre soin de son invité de son frère ça fait partie de l'iman لكن c'est pas que cela voilà ça doit être fondé sur l'iman تامل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر si c'est fondé sur ça sur la croyance authentique sur la voie des salaf Sur Al-Wala ou Al-Bara Lillah, on aime, on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, on s'entraide villah, falhamdulillah, ça sera profitable. قال ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف. Ça c'est le comportement qu'on doit avoir entre nous, ou quand on est ensemble. مشي القصد. كما قال الله عز وجل في سورة لقمان واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أي le fait de marcher modestement tu trouves بعض الناس عيادا بالله ils ont des démarches qui contredisent les comportements de l'islam وخفض الصوت le fait de ne pas élever la voix قال خاصة quand il n'y a aucun besoin قال وقلة الإعجاب الإعجاب بالنفس le fait de se vanter لماذا لأن celui qui se vante فلا شك أن son frère qui l'entend هذا ça dérange et pourquoi nous vanter on l'a déjà vu في هذا الكتاب avec toutes nos faiblesses nos manquements se vanter de quoi Si on prend niveau ibada, on a des faiblesses. Niveau ilm, on a des faiblesses. Niveau comportement, on a des faiblesses. Niveau ukhuwa, fraternité, on a des faiblesses. Va se vanter de quoi? Nous, notre hal, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous facilite. On n'a pas besoin de hal. Wa luzum at-tawadhu', la modestie. Et ça, c'est un khuluq azim et une cause énorme pour garder les liens, que ce soit avec les proches, avec les amis. At-tawadhu', limadha li'anna al-insan, l'être humain, il aime at-tawadhu', la modestie. Qal wa tark al-khilaf. Et ça, c'est muhim, on en a parlé fi an ma yata'allaq bi an-niqash. Amma al-akh ki, quand il est avec son frère, da'iman yusit al-khilaf. Daïman la polémique, daïman mais un tel a dit, ah là ça fait du mal. Ça donne pour les débutants. Nous, notre niveau, c'est quoi? Avant de parler de khilaf, on doit déjà apprendre l'ilm. Il y en a ceux qui veulent étudier ou qui parlent du khilaf. Avant d'avoir la science, ils se feront beaucoup de mal. Pourquoi? Il y en a le khilaf, pour le comprendre, c'est fondé sur la science. Enfin, celui qui parle du khilaf avant la science, enfin, hada la chèque, il aura du mal à comprendre. Apprends l'ilm. Et tu verras qu'en faisant des efforts fait l'ilm, beaucoup de sujets de divergence, au départ, c'était pour toi, tu n'arrivais pas à comprendre, ça deviendra très très clair. Tu choisiras cet avis, pourquoi? Parce qu'il y a tel verset. Cet avis, pourquoi? Parce qu'il y a tel hadith. Ne pas s'habituer à toujours rentrer dans le khilaf, au départ. Dans certaines choses, tu dois étudier le khilaf, bien sûr. Et tu dois faire des efforts pour reconnaître ou pour trouver la vérité. Lakin, pour le débutant, pour l'ignorant, s'il ne fait que parler du khilaf, tu perdras ton temps, tu n'as pas assez de science pour comprendre. Kadalik, tu pourras faire du mal à ton ami. Ton ami peut-être qu'il ne savait pas cette chose, ce khilaf. Et en citant ce khilaf, tu vas lui mettre des doutes, une ambiguïté. Enfin, au lieu de s'étaler dans le khilaf, on fait des efforts fait l'ilm. Quand on a besoin d'une chose, à la chakana, on sera confronté à des divergences. Tu demandes au savant et tu verras que tu avanceras vite et tu préserveras ton amitié avec ton frère. C'est un mot que je ne connais pas. قال نعم يبرمهم يملهم نعم نعم المعنى واضح avec cette explication du محقق يملهم الملل c'est le fait si on lit toute la phrase ça va être plus clair ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات أي الطلبات أي donne-moi وبعض الناس بطلوا بهذا ils ont la demande très très facile. Donne-moi, prête-moi, fais-moi telle chose. Il a toujours des demandes. Quand c'est l'argent, ils en auront assez de lui. Et si ça continue, Obama, ils l'éviteront. Ne demande pas aux gens tant que tu peux. On a fait Kadal et qu'on a traité ce sujet en résumant la Risala de الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه ذم المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا على باس de demander aux autres لا tant que tu peux faire une chose seul fais-la وعد الناس ابتلوا دائما يدمون بل سدفين مصيبة الآن حتى في بيوت الله tu rentres dans un masjid الآن il y a des demandes هذا يدمون pour هذا هذا يدمون pour هذا il faut des dons pour هذا ça s'arrête plus هذا ça fait fuir. Pourquoi? لأن الإنسان à la base كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. L'être humain il aime se avoir. Il aime avoir. Et donner, si tu lui demandes trop pour qu'il donne, ça l'écartera. فحضر avec tes amis. فحضر. Toujours demander des services, toujours demander de l'argent. بعض الناس, et c'est encore plus grave, ils demandent. Il y en a, ils veulent pas demander, donne-moi, il a arrêté pour se rabaisser. Enfin, ils font passer cela sous forme de prêt. Prête-moi et je te rends. Thumma, ils sont la cause. Anahum, ils mettent fin à une amitié. Les malades, et Anahum, ils respectent pas leur engagement. Et là, tu peux avoir besoin. Nous, on dit pas que tu n'as pas le droit de demander de service. Là, on parle de el-ikthar. Qal ibn Hibban yuksir أي sans cesse, systématiquement, عياذا بالله. هذا لا شك أنه من الشر. Et si tu as besoin, si tu as besoin, et tu demandes à ton frère, مثلاً un prêt, fais tout pour respecter ton engagement. Et sois clair, si tu ne peux pas, dis-lui. Ya akhi al-karim, excuse-moi, je ne peux pas, patiente avec moi. Amma ba'd an-nas, عياذا بالله, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent. Thomas, c'est eux qui s'écartent du frère qui leur a prêté. ويحصل الشر كذلك النصيحة للإخوان أن si tu sens ou tu as connaissance que ton frère il a besoin n'attends pas qu'il te demande بعض الناس pour aider il faut leur demander لا قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه et combien de أدلة في الصدقة le fait de donner, le fait d'aider. Enfin, n'attends pas que ton frère vienne et il tende la main. C'est très très difficile pour le nefs. Ou avoir de l'ikhwan. Ils ont de la fierté et ils n'osent pas, ils ne demanderont pas. N'attends pas. Si tu peux faire du khayr, khassatan avec tes proches, khassatan avec un frère fillah, fais-le et tu seras récompensé. Qala rahimahullah li anna al-radhi'a. إذا كثر مصه ربما ذجرت أمه فتلقيه. Ça c'est un exemple جميل. Il a cité cet exemple. Anna, le fait de trop demander, tu peux être repoussé. La mère avec son bébé. Quand elle l'allait au départ, les deux premières années. إذا كثر مصه. Si cet enfant il tète trop, ça arrive. Certains bébés ils têtent beaucoup, حتى ils font du mal à leur mère. فالرضيع إذا كثر مصه, si il demande toujours et il tète beaucoup, فربما ضجرت أمه, peut-être que ça peut agacer sa mère, فتلقي, et elle le repousse أحيانا, tellement qu'il lui fait mal et tellement qu'il demande trop. هذه c'est l'homme, c'est la mère avec son enfant. شكنا, la mère, même si elle le repousse à l'instant, elle lui donnera directement après. Lakin c'est un mythe al-azim pour te montrer Anna, si la mère elle peut être agacée par son propre enfant on est des êtres humains encore plus quand ça touche à l'argent ne pas tant qu'on peut mettre de l'argent dans les liens khassatan à notre époque comme min al-ikhwa ils se sont associés thumma c'est devenu des ennemis ils ont prêté, Thomas, ça a fait beaucoup de problèmes. Je ne veux pas dire qu'on s'entraide pas. On s'entraide avec argent ou autre. Lakin, on fait attention et on craint Allah et on respecte nos engagements. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq lil jami'. Qala wa la yanbaghi liman qadira an yamna' akhah shay'an yahtaj ilayh liyajbura bihi musibatah an yufarrij bihi kurbatah. Na'am. Celui qui peut physiquement avec ton argent, avec une parole, celui qui peut aider son frère, il ne doit pas refuser, pense à la récompense. Ce frère, il a un haq sur toi. Kadhalik, n'oublie pas, Anna, aujourd'hui, celui qui a besoin, demain, ça sera toi. Wallahu subhanahu wa ta'ala, kama ja'a fil hadith, idha farraja al-abd kurbatan, min kurb akhi farraj Allahu anhu kurbatan yawm al-qiyamah. Al-kurba c'est un dhiq, c'est un problème, c'est une situation difficile. Enfin celui qui est la cause d'améliorer la situation de son frère. C'est pas forcément avec de l'argent, ça peut être de l'argent ou autre. Enfin hada c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite yawm al-qiyamah. Si on réfléchit comme ça, alhamdulillah, ça sera beaucoup plus simple. قال والعاقل لا يؤاخي لئيما لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم. Fais attention de haoula, de fréquenter haoula. Il y en a ce chapitre, on doit bien comprendre, je ne sais plus si on a fait la remarque, on ne parle pas d'un simple contact. وإلا فالمعاملة, même avec les gens mauvais, comme on l'a vu, المدارة. Et tu dois savoir comment te comporter, avoir un bon comportement, la'allahum y reviennent. Là, on parle d'une fréquentation, un ami que tu vas fréquenter. Enfin, écarte-toi de al-la'im. Al-la'im, c'est une personne mauvaise. Kal-hayyati as-samma. Al-hayya, c'est une vipère. Cette vipère, samma. Qala al-muhaqqiq, al-shaykh al-fiqih, rahimahullah, الصم التي لا تستجيب لرقية لرقية الراقي. Même الرقية n'a aucun effet sur هذه الحية. Ne t'approche pas. Pourquoi? قال لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم. Tu trouveras que deux choses. اللدغ. Elle te piquera, elle te mordra. Et السم, le poison. بعض الناس ils sont هكذا. والله أن leur langue elles font plus de dégâts que الحية الصم. Que des critiques, que des accusations, que des mensonges, que des insultes, que de la moquerie. فمثل enfin, هؤلاء, écarte-toi. Conseil à la tariqa, écarte-toi. Voilà ton sahib, il la taqi. Ta fréquentation fait tout pour que ce soit un taqi. Min ahli sunna wal haq wal khir. Qala rahimahullah. Wala yuwasil al-la'im wala yuwakhi illa an raghbatin wa rahba. Ça c'est hal al-la'im. Même cette mauvaise personne, elle veut te fréquenter, c'est que pour son profit. Imma il a un mal à repousser, imma il a quelque chose à gagner avec toi par rapport à Dunia. Et là, le jour où il n'a plus besoin de toi, il cherchera un autre. قال والكريم يود الكريم على لقية واحدة ولو لم يلتقيها بعدها أبدا. نعم. أما الكريم, s'il t'aime, il t'aime pour Allah عز وجل. S'il te fréquente, c'est في الله عز وجل. عز وجل. Même si c'est un instant. Tu profiteras de lui. ثم قال رحمه الله, la page suivante, il a rapporté عن سعيد ابن المسيب رحمه الله الإمام, قال وضع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم. Il a cité 18 paroles des sagesses de عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, très profitable. Certaines de ces sagesses la تثبت. Et la nusra que j'ai, Anna, al-Muhaqqiq, il n'a pas cité un jugement pour chaque parole. Dans quel livre tu peux la retrouver? Est-ce que la chaîne de narration, elle est authentique? Probablement, dans certains de vos livres, d'autres versions, vous avez à tahqiq, Anna, je ne l'ai pas. À la kulli hal, on lit que quelques-unes qui ont rapport avec notre sujet. L'imam, il a cité ces 18 paroles, et certaines de ces paroles, elles n'ont aucun lien avec le sujet qu'on traite est la fraternité. Et كذلك certaines, comme on l'a dit, certains de ces athars ils sont daïfs. لكن لا شك أن ثبتت أملا عن عمر, c'est des حكم, c'est des sagesses فيها فوائد. On peut citer من هذه الحكم قال وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. ثم قال la suivante, on la lit, لأن c'est ça va dans le même sens. وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مُسْلِمْ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. Aie le bon soupçon envers ton frère. Il y en a certaines paroles, ça peut impliquer telle chose, telle chose. Enfin, si tu sais que ton frère, وَاللَّهِ الْحَمْدِ, il est à la haq, il est à la khayr, et il n'a pas l'habitude de dire des mauvaises choses, enfin, n'est pas le mauvais soupçon. كَمَا قَالَ هُنَا وَأَنْتَ تَجِدْ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ مَحْمَلًا. Tant que tu peux comprendre cette parole walillahil hamd avec du khair, ne laisse pas Shaitan te faire croire que ton frère il a voulu la mauvaise chose. Une parole, tu peux comprendre une bonne ou une mauvaise chose. On ne doit pas se précipiter directement la mauvaise chose et accuser notre frère. Khassatan si lui-même il te dit il n'a pas voulu cette mauvaise chose. Et là et ce conseiller, alhamdulillah, ça fait partie de l'ukhuwa. Et on a كذلك, on doit faire attention de ne pas employer des mots qui peuvent être mal compris ou formuler des phrases qui peuvent être mal comprises. Donc, il faut un effort des deux. قال رحمه الله كذلك وعليك بإخوان الصدق فعيش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. Il a conseillé كذلك d'avoir des إخوان صادقين et des fréquentations qui sont à la sunna, qui suivent la vérité. فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَى. Quand, alhamdulillah, tu es dans une situation confortable, dans la facilité, فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ. Ils vont embellir ta situation. Ils vont faire dua pour toi. Ils vont pas te jalouser, etc. قَالَ وَعُدَّةٌ فِي الْبَلَى. Et quand tu es éprouvé, al-udda, c'est une chose qu'on prépare pour faire face à une épreuve. فَهَاُولَى, ça sera comme une chose qui va t'aider, ils vont t'aider. Et comme une chose qu'on prépare en temps de, مثلا, de conflit pour repousser un ennemi. Al-Udda, c'est hada. Qala, rahimahullah, wa la ta'arrad lima la ya'nik. Ça, c'est très très important. Ne rentre pas dans des choses qui ne te regardent pas. Khas satan avec ton frère. Fillah. Tu peux l'entendre maintenant parler au téléphone. Tu l'entends. Ce n'était pas intentionnel. Tu entends une chose qui est personnelle. Fais attention, fais comme si tu n'avais rien entendu. Bardemnas, à cause de, Wa'afun vi al-Basira, ils disent tout. Il a entendu une chose, khalas, il la répète, mais j'ai entendu dire pourquoi tu as dit ça. Là, là, si ça te regarde pas, ça peut être maintenant une chose personnelle concernant sa famille. Kedalek, ça peut être une chose domaine professionnel. Tu as vu une chose, tu as entendu. Enfin, ne rentre pas dans une chose qui ne te regarde pas. Les ma'adal et anna, ça va toucher ton frère. Ça va toucher ton frère. Obama, ça lui fait du mal et ça peut causer certaines choses. Shaitan, il rentre. Qala, wahdhar. Naam, ou naktafi bihada. Naktafi bihada par rapport à ces paroles. Qala, rahimahullah, ba'da hada, al-imam Nuhibba, la tu'akhi illa dha fadlin fi ra'i, wa d-din, wa l-ilm, wa l-akhlaq al-hasana. ذا عقل نشأ مع الصالحين لأن صحبة بليد نشأ مع العقل خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال وهذا تقدم معنا أي le fait de choisir des fréquentations un ami qui est à la khair qui aime le din qui aime la vérité qui a un bon comportement mais si il est connu أنه il aime la polémique il ne fait pas d'effort في العلم il a un mauvais comportement il a beaucoup de problèmes Akhil Karim, écarte-toi. Et conseille-le si tu veux. Amma le prendre pour ami. Rubbama, wala shak annahu, il te fera du mal. Qala wal aqil yastakhbiru umur ikhwanihi qabla an yuwakhiyahum. Wa min asah al khibrati lil mar wujud halatihi ba'd hayajan al ghadab. Il a cité cet exemple. Avant de, مثلاً, de s'associer avec quelqu'un, il y en a quand on dit. Depuis le début, on dit prendre pour ami, akhfillah. Ça peut être que d'aller dans le domaine professionnel, mathalan, un associé dans telle chose. Voyager avec lui. Mathalan, une alliance. Mathalan, se marier avec sa fille, avec sa sœur, avec. Avant, hada, Ibn Hibban, il a donné cette solution pour savoir, pour connaître le niveau, son comportement. Qala. ومن أصح الخبرة للمرء comment savoir comment il est vraiment وجود حالته بعد هيجان الغضب أي attend de voir comment il se comporte quand il est en colère بعض الناس ils sont en colère عياذا بالله ils perdent complètement leurs moyens ils insultent ils accusent وبعضهم ils sont en colère ils insultent Allah عز وجل وبعضهم ils sont en colère ils insultent directement père mère إلى آخره هؤلاء fais attention Fais attention, certaines pour une, si c'est pour une affaire, si c'est pour quelque chose de très très important. كذلك, et هذا c'est معروف, يعرف المرء عند السفر. Tu reconnais كذلك الإنسان, son niveau de patience, son comportement, في السفر, durant le voyage. Il a une rencontre dans la rue, quelques minutes, en général, tout le monde est, même à notre époque, c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens, ils sont souriants, ils sont calmes. Lakin, quand il y a une épreuve, la colère, wa hakadha le voyage, fahuna, tu vois. C'est pour ça qu'on conseille à nos frères beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est à cause de la négligence de ce point. Hatta ba'd al-akh, ba'd al-ikhwan, afwan, il se précipite. Matalan, wahad, il lui demande. Il veut marier sa sœur ou sa fille. Ah, il ne le connaît même pas. Il l'a vu une fois, Obama, dans sa vie. Il l'a vu assis au masjid, au premier rang, souriant. Il dit, Hada, c'est où ? C'est lui. C'est lui qu'il lui faut. Khalas. Alors qu'il ne le connaît pas. Tu ne peux pas. Khalas, attends, dans ce moment. Celui qui veut marier sa fille, sa sœur. Il a, regardez, c'est quelque chose de azim. Quelque chose de très, très important. Oui, il veut savoir. Pourquoi ? Parce que nous, entre Ahlul Sunnah ou l'Alhamd, entre Ahlul Haqq, On ne se fréquente pas avant le mariage. Enfin, on n'a que ce moment. On a le muqabala pour voir le physique. Et on a le mushawara, le nasiha pour connaître la situation de ce frère ou de cette sœur. Fa'inda al-nasiha. On doit faire attention. Tu ne sais pas, dis Allahu A'lam. On peut te demander, ya Foulal, tu dis, Anna, je ne le connais pas. Je l'ai vu quelquefois, j'ai vu que du bien. La Kinana, je ne peux pas dire. Demande à quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui a grandi avec lui, quelqu'un qui a voyagé avec lui, quelqu'un qui a travaillé avec lui, il va te dire. Hakada, ceux qui veulent s'associer dans le domaine professionnel, beaucoup de problèmes vihad. Ils s'associent avec quelqu'un, les malades, ils l'ont rencontré. Ils l'ont rencontré une demi-heure, une heure dans tel endroit, dans tel masjid. Thumma, ils s'associent. Thumma, ils s'aperçoivent que c'est un menteur, un voleur, un fasiq. Et hakada addid. Thumma, ce frère, il a beaucoup de mal à se défaire de tout cela. C'est important. Et on ne doit pas se précipiter. Khassatan à notre époque. La tartar bil madhar. Ba'dhum, ils ont une belle apparence, lakin wallah, il mu'amala, elle est catastrophique. Wal khair hasil, il y a du bien. C'est pour ça qu'on conseille nos frères. Recherche, ne te précipite pas, demande. Demande à des gens de confiance. Kadalik, demande pas à tout le monde. Les nabardanas, ils ont, comme on a déjà dit, ils ont la tezkiya facile et ils ont le qadha facile. Ils complimentent très très vite et ils accusent très très vite. Là, demande à des gens posés, des gens calmes. Des gens qui sont objectifs, alhamdulillah, yakun khayr. On passe directement à la parole d'Ibn Hibban après le athar de Moussa ibn Uqba, le numéro 267. La parole de Abu Hatim, قال وخير الإخوان من إذا عظمته صانك ولا يعيب أخاه على الزلة فإنه شريكه في الطبيعة. La meilleure fréquentation que tu peux trouver, le meilleur ami avec al-awsaf al-jamila, c'est هذا الأخ إذا عظمته صانك. Le respect بينكما ولا يعيب أخا على الزلة فإنه شريكه في الطبيعة. كذلك il ne critique pas son frère par rapport à الزلة. On a déjà expliqué le mot الزلة. Le mot الزلة, c'est le fait de glisser, de se tromper. أحيانا on est maladroit, أحيانا on dit des choses et on revient vite. فهذا الحال, ce frère, il ne critique pas son frère par rapport à cela. Limada, فَإِنَّهُ شَرِيكُهُ فِي الطَّبِيعَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il a des manquements, t'en as aussi. Limada, لِأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الْإِنسَانِ الزَّلَلْ وَالْخَلَلْ. On est des êtres humains, on a des manquements. Enfin, si tu vois un manquement dans ton, sur ton frère, خَاسَتَنْ, c'est pas volontaire, خَاسَتَنْ, c'est nadir, c'est rare. Enfin, ne te précipite pas à le critiquer, ilah. Et l'imad, il y en a aujourd'hui, c'est lui qui a fauté, demain, ça sera toi. Enfin, via de l'hal, qu'elle ne ferme pas les yeux, si c'est une erreur, c'est une erreur. Al-Nasiha, al-Muqawama. Et si les liens sont forts entre toi et ton frère, il saura que quand tu parles, c'est que tu lui veux son bien. Qala, rahimahullah, bel yasfah, wa yatanakab, muhasadat al-ikhwan. Kadalik, al-safah. Ou l'afou, se pardonner. Il y en a entre frères l'échec qu'on aura certaines choses, des manquements, une parole, une mauvaise plaisanterie, un manquement. Matalan, on n'est pas venu à tel rendez-vous, on a oublié de rappeler. Ça arrive, hada. Lakin as-safh. Ou l'afou. Ou illa kama taqaddam ma'ana, celui qui n'a pas de afou, qui ne patiente pas, il restera tout seul. L'imad, il y en a tous les êtres humains, ils ont des défauts et des manquements. Qala. ويتنكب محاسدة الإخوان. كذلك fais attention à هذا. Fais attention, comme on l'a vu dans la kalima de hier, الحسد, la jalousie. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il veut. Ne sois pas un عدو من أعداء نعم الله عز وجل. Comme on l'a vu hier, الحسد, le jaloux, c'est un ennemi parmi les ennemis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à ton frère, c'est ton frère. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Toi, tu aurais aimé peut-être vouloir cette chose. Ton frère, il a eu, alhamdulillah. كذلك اسال الله سبحانه وتعالى من فضله. Allah, il a donné à ton frère. Demande à Allah qu'il te donne la même chose ou quelque chose de meilleur. Alhamdulillah. قال لان الحسد للصديق من سقم الموده. Et نعم, ça c'est une chose qui anéantit يدم بالله les liens ou sohba. La jalousie. Léana al-Akh, quand il sent que son frère il est jaloux de lui, il s'écarte. Qala, faljoud bil mawadda a'zam al-badl. Léanahu la yadhar wud mustaqim min qalb saqim. Ta'ammalu hada, faljoud bil mawadda a'zam al-badl. Al-badl, c'est le fait de donner. Enfin, le fait de donner al mawadda à ton frère, mawadda sadiqa, mahabba lillah. Le fait de lui donner hada, wallahi, c'est mieux que de lui donner argent et autres. Il sent que tu lui donnes hadihi mahabba, cet amour fillah. Et bien sûr, avec tout ce que ça implique, comme conseil, comme ta'awun, etc. Qala, rahimahullah, وليحذر المرء في إيخائه ألم التثقيل على أخيه لأن من ثقل على صديقه خف على عدوه وإن من أعظم المؤنة على تسلية الهم الرضا بالقضاء والوقية الإخوان وبين قوله رحمه الله وليحذر المرء في إيخائه ألم التثقيل على أخيه on doit faire attention. التثقيل كذلك cette مسألة est revenue plusieurs fois معنا. التثقيل c'est le fait d'être lourd. Ça vient du mot thiqal. Fahadhar min hada. Ihdhar. Ton frère, ton ami, il a besoin de respirer. On a toujours des appels, toujours des messages, toujours on doit aller, on doit faire. Idha hasala hada al-istithqal. Ton frère, il ressent que tu es lourd. Hada, c'est un mauvais signe. Ça peut pousser à certaines choses. Et shaitan, il en profite. Qadr les choses. Tu ne peux pas appeler n'importe quand. Tu ne peux pas le visiter tout le temps. Enfin, ce frère, Obama, il est marié, il a des enfants, il a une famille, il a une vie professionnelle. Falnahdhar min hada. Encore plus à notre époque avec les téléphones. Ba'dhum, Obama, il pense que hada thiqal, c'est qu'avec la présence. Là, kadhalik avec le téléphone. Kadhalik, on fait attention. Les anna, à cause de hada thiqal, Rubama, le shaitan, il te fait croire que le frère, il ne t'a pas répondu parce que Kada. On fait attention à shaitan. Si tu as appelé, peut-être que le frère, il a certaines choses. On n'est pas obligé de répondre à chaque appel. Pardon, mais Sajil, pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi Kada? Là, si tu as quelque chose, dis-le. Attends, ton frère, il répondra. Il juste longtemps. Peut-être qu'il n'a pas vu l'appel. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il a quelque chose à faire. Il a. Qala. رحمه الله ومن أعظم المؤنة على تسلية الهم. Et ça c'est une nasiha jamila pour conclure. Parmi les choses qui te faciliteront à surmonter les épreuves, التسلية c'est pour te consoler. الرضا بالقضاء. Et accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que tu es éprouvé par telle chose ou telle chose parmi les choses qui te faciliteront le plus. أن كل شيء سبي قدر الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء في إمام مبين donc هذا ça te permettra de patienter et كذلك ولقي الإخوان كذلك أحيانا tu es dans une situation difficile tu es triste tu as des humoum des soucis etc et le fait de rencontrer tes frères ça te facilite et في هذا الحال نحن on doit patienter. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de fil, ça peut être un message. Enfin, si tu sens que ton frère, il a besoin. فَفِي هَذَا الْحَالِ يَظْهَرْ الصَّدِيقِ حَقًا. Ton frère, tu sens qu'il a besoin, il a perdu un de ses proches, il a des problèmes, مهم, il a besoin de toi et tu le sens, enfin, ne le repousse pas. Une kalima, reste avec lui, patient. وَاحْتَسِبْ الْأَجْرَ عِنْدَ اللَّهِ فَهَذَا سَمِنْ أَعْظَمْ الْأَمَالِ. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الستة في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله deux personnes hommes ou femmes des croyants qui se rencontrent في الله et se sont rencontrés que pour Allah سبحانه وتعالى dans un dars au hajj في العمرة dans la rue مهم ils se sont rencontrés croyants ils se sont aimés في الله et ils ont été séparés في الدنيا في الله هؤلاء ils seront sous l'ombre du trône يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله نكتفي بهذا par rapport à ce درس et on passe au درس suivant إن شاء الله تعالى